Saint François d'Assise, la légende des trois compagnons, Arvède Barine, chapitre 5, des premières paroles que lui adressa le crucifié, et comment dès lors il porta la passion du Christ en son cœur jusqu'à la mort. Un jour qu'il implorait avec grande ferveur la miséricorde du Seigneur, le Seigneur lui fit connaître que ce qu'il avait à faire lui serait bientôt indiqué, et alors il fut rempli d'un tel bonheur que, ne se tenant plus de joie, il ne pouvait s'empêcher, comme malgré lui, de laisser échapper quelque chose de son secret. Il en parlait cependant avec prudence et de façon énigmatique, disant qu'il ne voulait plus aller dans la pouille et que, dans sa propre patrie, il ferait des choses nobles et grandes. Ses compagnons, dont il s'était déjà éloigné en esprit, bien que quelquefois il se réunît à eux corporellement, et qui le voyait ainsi tout changé, lui demandait quelquefois par plaisanterie, « François, est-ce que tu veux prendre femme ?» Et il leur faisait des réponses énigmatiques, comme cela a été raconté plus haut. Quelques jours plus tard, comme il se promenait près de l'église Saint-Damien, il entendit une voix intérieure qui lui dit d'entrer pour prier. Étant entré, il se mit à prier avec ferveur devant une image du crucifié, laquelle lui parla doucement avec bonté, lui disant « François, ne vois-tu pas que ma maison va être détruite, répare-la pour moi ?» Tremblant et stupéfait, il répondit « Je le ferai avec joie, Seigneur. » Car il avait compris qu'il s'agissait de l'église Saint-Damien, qui menaçait ruine à cause de sa vétusté. Mais il fut pénétré par ces paroles d'une joie si vive et d'une lumière si éclatante, qu'il sentit bien en son âme que c'était vraiment le Christ crucifié qui lui avait parlé. Aussi, ayant trouvé à la sortie de l'église un prêtre assis devant la porte, il tira sa bourse et lui remit une grosse somme d'argent en lui disant « Je te prie d'acheter de l'huile et de faire brûler continuellement une lampe devant ce crucifix, et, quand cette somme sera épuisée, je t'en donnerai encore autant qu'il en faudra. » À partir de ce jour, son cœur resta transpercé et comme fondu au souvenir de la passion du Seigneur, et tant qu'il vécut, il porta dans son cœur les stigmates de la passion du Seigneur Jésus, ainsi que cela parut plus tard à tous les yeux par le renouvellement de ces mêmes stigmates, miraculeusement opérés en son corps. Et depuis lors il affligea sa chair par d'extrêmes macérations. Bien portant ou malade et même presque mourant, il continua ses austérités et ne voulut jamais en rien relâcher. C'est pourquoi, lorsque le jour de sa mort approcha, il se confessa d'avoir gravement péché envers son frère le corps. Un jour qu'il marchait tout seul près de l'église Sainte-Marie de la Portioncule, se lamentant et gémissant à haute voix, un homme l'entendit et crut qu'il souffrait d'une douleur ou d'une infirmité. Touché de pitié, il s'approcha et lui demanda pourquoi il pleurait ainsi. Et François répondit, « Je gémis sur la passion de mon Seigneur Jésus-Christ, pour qui je ne devrais pas avoir honte d'aller par le monde entier en me lamentant à haute voix. » Et cet homme se mit alors à pleurer tout haut avec lui. Souvent aussi, lorsqu'il se relevait après une oraison, ses yeux paraissaient rouges de sang, tant il avait pleuré amèrement. Non seulement il s'affligeait et pleurait, mais aussi il s'infligeait des abstinences de nourriture et de boisson, en mémoire de la passion du Seigneur. Quand parfois il s'asseyait pour manger avec des gens du siècle, et qu'on lui offrait des mets savoureux, il n'y touchait presque pas, et donnait quelque excuse, afin de ne pas avoir l'air de faire abstinence. Et quand il mangeait avec ses frères, il jetait souvent de la cendre sur ce qu'il mangeait, disant aux frères, pour dissimuler ses austérités, que sa sœur la cendre était chaste. Un jour qu'il mangeait seul, un frère lui dit que la Sainte Vierge était si pauvre qu'elle n'avait pas toujours de quoi donner à manger à son fils. Entendant cela, l'homme de Dieu soupira douloureusement et s'assit sur la terre nue pour manger son pain. Bien souvent, aussitôt après le commencement du repas, il cessait de boire et de manger et restait absorbé dans la méditation des choses célestes. Dans ces moments-là, il ne voulait pas qu'aucune parole le troublât, et il soupirait du plus profond de son cœur. Il recommandait aux frères de ne pas manquer, toutes les fois qu'il l'entendrait soupirer ainsi, de louer Dieu, et de l'implorer pour lui. Nous avons parlé incidemment de ses larmes et de ses abstinences pour bien montrer qu'après la vision que nous avons racontée, et après les paroles de l'image du crucifié, il a toujours, jusqu'à la mort, vécu en conformité de la passion du Christ. Mark M. Dan, archive.org d'après la numérisation de l'Université de Toronto. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial, partage à l'identique.